في المسجد ولا بعض الإخوة هناك في الحي يا فلان هكذا إما هنا إما في الحي نفس الشيء الممنوع تعطي الفقراء ولو نبالي هذا هو حتى أولا هي طهرة لنا وكذلك يعني فرحة للفقير donc ça en vérité on fait c'est une purification pour nous et aussi un bonheur une joie une gaieté en vérité pour le pauvre donc on doit donner un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qui l'a donné donc on voit hein, donc il me dit rendu obligatoire ça فرض الساعة ما فرض المال فرض الساعة أكلا من تمرين أو الشعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير بل العكس كانوا الصحابة كانوا عندهم مال وبعد الحين ما كان هناك أكل ما كان هناك بعد الأحيان أكل أليس لما جاء الشخص مع القافلة مع أكل من جاء من سوريا من سوريا إلى آخره من مكان بعيد بأكل الناس بدأوا يتركون خطبة الجمعة وذهبوا إلى تجارة ليشتروا في وقت الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وتركوك قائمة تركوه النبي صلى الله عليه وسلم قائم إلا ممكن 11 شخص منهم أبو بكر وعمر من أفضل الصحابة جلسوا الباقي ذهبون لنا يحتاجون أكل لكي يشتروا فالمال الموجود والأكل غير موجود عكس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرض ماذا الأكل والمال الموجود لماذا يستعجلوا وتركوا الخطبة خائفين على لو ذهبوا بعد الخطبة لا يجدوا شيء فخائفين حب يعني واحدا يخرجون يتركون الخطبة on a encore un bon dalil qui prouve que c'est pas une question de parce qu'ils disent ils avaient pas d'argent alors c'est pour ça qu'ils ont pas donné l'argent c'est pas vrai la preuve ils avaient pas de nourriture des fois ils alors qu'il y avait de l'argent bid dalil que lorsque celui qui est venu en pleine khutbah de Jumu'ah et qui est venu lorsqu'ils ont vu donc alors il met le verset lorsqu'ils ont vu justement ils vont donc lorsqu'ils ont vu ce commerce ils vont à ce commerce et te laissent debout parce que le prophète faisait la khutbah ils avaient de l'argent pour acheter ils sont partis pour acheter de la nourriture qui était très rare parce qu'ils venaient de loin avec cette nourriture là hein, avec ces chameaux avec cette nourriture là ils sont venus à part très peu de compagnons parmi Abou Bakr Omar ils sont restés ils ont attendu après la khutbah. Les autres, ils ont été. Parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Ils ont acheté, ils sont revenus, ils se sont assis. Ils se sont réassis, ils ont écouté. Et moi, il m'a présenté avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fadamina adilla allati tadullu ala anna samal khutba laysat yani wajiba. Laysat hiya wajiba. Wa innama alwajib yani as-salat wa laysat yani fi khutba. Par rapport à ça, la règle religieuse, c'est que ce n'est pas le fait d'écouter, mais c'est le fait de prier avec les mêmes, la khutba. Pour que ta khutba soit acceptée. Pour que ta prière du vendredi elle soit acceptée. Donc, vous voyez bien. On a des cas comme ça, combien on a eu avant que les choses rentrent plus facilement en Algérie. Les gens avaient tous de l'argent, mais ils n'avaient pas de quoi acheter. L'argent est là, mais c'est le contraire, il n'y a pas. Donc c'est pas une question de. C'est pas une question de ça. Il y avait les sous, mais il n'y avait pas les choses qui arrivaient parce qu'elles viennent de loin, elles viennent pas souvent, et n'achètent. Tout simplement. Donc c'est faux de dire que là avant ils n'avaient pas d'argent, sinon ils auraient donné l'argent. Ils n'avaient pas d'argent, mais machin, ils avaient la nourriture. La nourriture, c'est une monnaie d'argent, c'est une monnaie d'échange. Un arrêt de tamar, de kesra. Il donne un arani, c'est un mode. أصحاب التمور الفقراء الأغنياء أغنياء الذي عنده ما شاء الله أصحاب يعني الزراعة يعني عندهم الحمد لله ليسوا فقراء عندهم بعض الأشياء عندهم بعض المال فيستطيعون يبيعوا يعني نوع المال من الأكل التي كان عندهم والعكس ما كانوا عندهم أكل وكان عندهم يعني بلتو عاكل حل المال بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك